Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des nouveautés proposées par les éditeurs pour avril 2010. Chez Hachette Jeunesse paraît Frisson de Maggie Stiefwater. Grace vit dans une petite ville américaine aux abords d'une forêt. Son enfance a été marquée par l'irruption d'une meute de loups qui l'a attaqué. L'un des animaux l'a sauvé et depuis, un lien étrange s'est établi entre la jeune fille et ce loup. Ombre, à la fois protectrice et inquiétante, il rôde autour de la maison isolée. La mort brutale d'un élève du lycée de Grace déclenche une réaction violente. La ville entière crie au loup et lance des chasseurs à travers la forêt. Tous les animaux ne parviennent pas à échapper aux balles. Le loup de Grace est touché. Quelques heures plus tard, Grace retrouve sur le pas de la porte un jeune homme, blessé, au regard étrangement familier. Ce titre est paru d'abord en anglais en 2009 sous le titre Cheveux. Chez le même éditeur, une anthologie, Nuit d'enfer au paradis, traduction de Prom Nights from Hell, paru en anglais en 2007. L'impossible étreinte de Michel Hoff, Une histoire avec un vampire, sort chez Harlequin, ainsi que le deuxième volume du cycle Witch Hunt de Lisa Childs, Le pacte de la nuit. Intercalcia propose Catharsis de Oksana et Gilles Proulx. Juillet 2033. La Terre est désormais surpeuplée et le climat se réchauffe irréversiblement. Les tensions sociales s'accroissent et des émeutes de la faim se mêlent aux guerres pour la maîtrise du bien le plus précieux qui soit, l'eau. Brutalement, l'humanité découvre les modalités d'un chantage orchestré par une mystérieuse organisation éco-terroriste, Catharsis. Si ses principales revendications ne sont pas acceptées et validées par l'ONU dans un délai de 3 semaines, une sanction terrifiante menacera l'existence même de notre civilisation. Karina Rosenfeld offre le deuxième volume de La quête des livres monde, le livre des lieux, chez Intervista. J'ai lu offre 3 rééditions. L'aube incertaine de Relancer Wagner, volume 4 de Les fissures mystères de Paris, paru chez Fleuve Noir en 1997, puis chez La Talente en 2003. L'enjeu mineur 1793 de Pierre Bordage, volume 2 du cycle L'enjeu mineur, paru chez La Talente en 2005, et Royaume des Unis de James Lovegrove, paru chez Bragelonne en 2008, et à l'origine en anglais en 2003 sous le titre Untied Kingdom. Henri Le Hall et Joël Vintrebert proposent La Minuit chez la coop.org. Au livre de poche, on offre Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, paru en 2008 et 2009 chez Jean-Claude Lattès, puis à l'origine en anglais en 2008 sous le titre de Host, Blaze de Richard Bachman, alias Stephen King, paru en 2008 à la fois chez Albin Michel et France Loisirs, et en anglais sous le même titre en 2007, Côté lac de Gene Wolfe, volume 2 de Le livre du long sommeil, paru en 1995 chez J'ai lu et en 1994 en anglais sous Lake of the Long Sun, Elana l'envol de Pierre Bottero, volume 2 de Le pacte des marches ombres, paru chez Rajot en 2008, et L'enfant tombé des étoiles de Robert Heinlein, paru en 1977 chez Robert Laffont, en 83 et 89 chez Pocket, en 2007 chez Terre de Brume, et à l'origine en anglais en 1954 sous The Star Beast. Luc Besson fait paraître au livre de poche jeunesse La guerre des deux mondes, une réédition de Arthur et la guerre des deux mondes, paru en 2005 chez Intervista. Il s'agit du volume 4 du cycle Arthur. Chez Mango Jeunesse sort La dernière flèche de Jérôme Noiret. Angleterre, avril 1212. Diane de Locksley est une adolescente belle et farouche, au caractère trempé comme l'acier. Ses mots touchent leur cible aussi sûrement qu'une flèche. Rien d'étonnant quand on est la fille de Robin des Bois. Mais il est difficile d'être l'héritière d'une légende d'un homme meurtri par la mort de son épouse, la célèbre Marianne. Diane veut de l'action, Londres va la lui fournir. La cité tentaculaire, pleine de bruit et de fureur, est contrôlée par de ténébreux démons. Afin de les combattre, la fille de Robin devra s'associer avec le séduisant et mystérieux prince des mendiants et rassembler les anciens compagnons de Sherwood. Sans compter un allié inattendu, l'ennemi intime de son père, le terrible shérif de Nottingham. Chez Milady, Assassin's Creed Renaissance d'Oliver Bowden, Attaque magique de Ilona Andrews, volume 3 du cycle Kate Daniels, Le baiser du mal de Kerry Arthur, volume 2 du cycle Riley Jensen, La dernière bataille de Chris Brunch, volume 3 de Dragon Master, Le diamant de Discord de Marcus Hetz, volume 1 de La revanche des nains, La forge de Hilary Bell, volume 3 de la trilogie Farsala, Les gardes de Haven de Simon R. Green, un épisode de la série Darkwood, paru en 2008 chez Bragelonne, Nuit sans étoiles de Robert Anthony Salvatore, 8e volume de Royaumes oubliés, la légende de Dritz, paru en 96 chez Fleuve Noir, Le portrait du mal de Graham Masterton, paru chez Neo en 87, repris chez Pocket en 89, sorti en 85 sous Family Portrait, Le sang de Fiona McIntosh, volume 2 de Le dernier souffle, première parution chez Bragelonne en 2007, Sorcière blanche, cœur noir de Kim Harrison, volume 3 de Les aventures de Rachel Morgan, paru chez Bragelonne en 2008, Tombeau ouvert de Jim Butcher, volume 3 de Les dossiers de Dresden, paru chez Bragelonne en 2007 sous le titre L'aube des spectres, puis en 2001 en anglais sous Grave Peril, et Les torrents d'argent de Robert Anthony Salvatore, un autre épisode de Royaumes oubliés, paru chez Fleuve Noir en 1995, puis chez Milady en 2009. Alain Le Bussy fait paraître chez 1000 saisons, 5e saison, dans la collection Fantasy, La Marque. Chez Mnemos paraît Belle de mort de Michel Robert, volume 5 de L'Agent des ombres, paru chez Mnemos en 2007 et chez Parquet en 2010, et Le dit de la Terre plate, 1 et 2 de Tanit Lee. Chez Les Moutons électriques, des nouvelles de Tibar, de Timothy Ray, une réédition de Juanua Vera de Jean-Philippe Jaworski, volume 1 de Récits du vieux royaume, paru chez Gallimard en 2009, et Voix du futur de Richard Comballo, entretien avec 8 auteurs de science-fiction. Le roman des îles de Jules Verne paraît chez Omnibus. Il contient L'île mystérieuse, Seconde patrie, L'école des Robinson et L'île Aélis. 10 000 au cœur de l'Empire, traduction de The 10,000 de Paul Kearney, sort chez Orbit. Ce roman est sorti en anglais en 2008. Depuis des siècles, les Macs sont un mystère. On raconte que ce peuple, qui vit isolé dans les montagnes Aracouche, est d'une férocité et d'une discipline extraordinaire et qu'il a jadis accompli des prouesses sur les champs de bataille. Dans le monde alentour, les anciens envahisseurs et les peuples de Koff ont été unis sous le joug de l'Empire Azurien, réputé invincible. Le roi des rois peut mobiliser sous sa bannière des nations entières. Mais son frère en exil veut s'emparer du trône. Il décide alors de faire appel à la légende. 10 000 guerriers Mac, mercenaires d'élite, marchent bientôt vers le cœur de l'Empire. La maison de Londres de Lady Blaiseau voit le jour chez Le Petit Caveau. Londres, 1895. Rupert Haversham, Arthur Rutherford et Hubert Michel, trois vampires au caractère aussi différent que marqué, tentent de vivre normalement malgré la malédiction dont ils s'estiment victimes. Alliés à la puissante maison de Londres, ils se retrouvent chargés de l'éducation de nouveaux collègues, Donald Crump. Malheureusement, ce dernier se révèle être une véritable calamité qui va mettre en péril l'organisation dont il est censé faire partie. Par sa faute, la guerre avec la maison de Cardiff prend des proportions alarmantes et ses camarades sont contraints de rattraper ses bêtises. Chez Pocket, Le commando des immortels de Christophe Lambert, paru chez Flamme Noire en 2008. L'Elfe des Terres Noires de Jean-Louis Fadjen, volume 2 des Chroniques des Elfes, paru en 2009 chez Flamme Noire. La pluie du siècle d'Alastair Reynolds, paru aux presses de la Cité en 2008 et en anglais en 2004 sous Century Rain. Et La vérité de Terry Pratchett, volume 26 de Les Annales du Disque Monde, paru chez La Talente en 2005 et à l'origine en anglais en 2000 sous The Truth. Deux titres ce mois-ci chez Le Pré au Clair, L'Art de la Fantasy 2 de Ali Fell et Bitterwood de James Maxey, volume 1 de L'Âge des Dragons. Deux titres également chez Robert Laffont, Le Roi de l'Île au Sceptre de Michael G. Carney, volume 5 de Chant de la Terre, paru chez Laffont en 90, puis au Livre de Poche en 99. Parution originale en anglais en 1989 sous King of the Scepter's Isle et Le Souffle de Dune de Kevin J. Anderson et Brian Herbert, paru en anglais en 2009 sous The Winds of Dune. Et voilà, ceci met fin à cette émission. Merci de votre attention, à bientôt.